Dans les allées du Jardin des Plantes, de Sophie Lemp. Premier épisode, Suzanne. Acheter, œufs, lait, pain de mie, papier toilette, changer de drap, répondre mail Monsieur Gardin, planning bureau semaine prochaine, poste, passé bibliothèque, bougie anniversaire Lucie. Château, c'est moche. Château, il est moche. En quoi, c'est vrai? Je dirais une colline, une montagne, mais pas un château. Aïe, maman. Ça suffit tous les deux. Vous pouvez pas arrêter pour une fois? Il y a de la place ici. Vous êtes pas obligés de rester scotchés l'un à l'autre. Tiens, Lucie, tu pourrais aller chercher des petits cailloux pour décorer ton château. Ah oui, maman. Et toi, Martin, je suis sûre que t'arriveras pas jusqu'au banc là-bas en sautant à cloche-pied. Vendredi, Lucie aura 10 ans. Son petit corps chaud posé tout contre moi. 10 ans. Les nuits sans sommeil, les purées préparées avec soin, l'angoisse de la fièvre qui ne baisse pas, l'épuisement, la colère, la fierté infinie, nos rires, sa main sur mon ventre quand j'attendais Martin, ses dessins, le premier mail qu'elle m'a envoyé l'année dernière, sa chorégraphie, l'entendre chanter, la regarder et me souvenir que je suis devenue mère, sa mère, petit à petit. Me souvenir de tous ces moments où je n'avais qu'une envie, regarder ailleurs, aller marcher dans Paris, être de nouveau au centre, ne plus penser à elle. Retrouver ce qui me faisait vivre, ce qui bougeait dans ma tête, ce que je voulais construire, inventer. Regarde maman, j'ai trouvé un caillou brillant. Puis je me souvenais que dans mes rêves, il y avait une famille. C'est très joli ma chérie. Je me tournais alors vers ma fille avec gratitude. D'accord. Grâce à elle, j'étais devenue mère. Mais très vite m'envahissait de nouveau le sentiment de manquer de temps, de passer à côté de tout, de ne pas être à la juste place. Être à la juste place. J'aurais voulu qu'on me prévienne, que l'on me dise quel chamboulement c'est d'avoir un enfant. Est-ce que toutes les femmes sont ainsi? Est-ce que toutes les femmes se sentent coupables quand elles recommencent à travailler? Quand de nouveau elles ont dans la tête autre chose que ce petit corps agité? Est-ce que toutes les femmes se sentent coupables quand au contraire elles n'arrivent pas à s'éloigner? Être ailleurs, quel que soit l'endroit. Le cœur déchiré de la laisser à la crèche, mais le corps impatient quand il fallait la garder toute une journée. L'irrépressible envie de la câliner quand elle jouait tranquillement dans sa chambre. L'agacement quand elle venait me chatouiller les pieds en pleine lecture. Tant de colère parfois. Mais le temps passait si lentement lors de sa première classe de mère. Tiens, c'est pour toi. Merci ma chérie. Il est très joli ce caillou. T'as vu? Il y a des reflets bleus. Je vais en chercher d'autres. Est-ce que pour certaines, il y a une évidence? Un positionnement immédiat? 10 ans et je t'attends encore certains jours. Je suis parfois un peu absente, parfois un peu copine, parfois un peu sœur. Il m'arrive, quand je ne parviens pas à dormir, de me glisser dans son lit pour l'entendre respirer. La fille apaise la mère. Je fais des listes. Acheter œufs, lait, pain de mie, papier toilette, changer de drap, répondre mail Monsieur Gardin, planning bureau semaine prochaine. D'autres ont l'impression de se noyer dans les tâches quotidiennes. Mais moi, j'aime ça. Ça m'ancre. Ça fait le lien entre toutes celles que je suis. La femme qui travaille, la femme qui aime, la mère. Lucie, tu sais où est ton frère? Oui, il est juste là, près de là. Oh oui, ça y est, je le vois. Merci ma chérie. Être toutes ces femmes en même temps. Travailler et penser aux baskets trop petites qu'il va falloir remplacer. Aller boire un verre et regarder l'heure. Il y a l'homme aussi, bien sûr. L'homme aimé. Celui pour qui la vie semble glisser. On ne lui demande pas autant, sans doute. Il est un homme avant tout. Il travaille. Le père vient après. Pourtant, il est là. Il joue, raconte des histoires le soir, console d'un chagrin, accompagne le matin. Dans sa tête, tout semble mieux organisé. Les choses n'empiètent pas les unes sur les autres. Maman, tu peux me chronométrer ? 1, 2, 3, feu ! J'ai l'impression de courir toute la journée. Le réveil qui sonne, la douche rapide, le petit déjeuner à préparer, l'école, le métro, le bureau, la cantine ou le sandwich avalé sur le pouce, l'après-midi qui file, déjà presque 18h, repartir en sens inverse, récupérer les enfants, les devoirs, le bain, le dîner, hop, au lit les enfants, les papiers à signer, le mail tardif auquel il faut répondre, discuter un peu ou regarder ensemble une émission à la télé, filer me coucher, lire quelques pages avant de sombrer. Combien ? 46 secondes. Je recommence. Se lever un matin avec l'envie de fuir. Partir en Inde ou en Patagonie pour écrire, étudier, peindre, tout oublier. Et puis ce matin-là, il y a un poème de Prévert récité au petit déjeuner. Il y a un geste que l'on surprend. La main de la sœur caressant doucement les cheveux de son petit frère. Il y a un baiser furtif de l'homme sur nos lèvres endormies. Et un rayon de soleil qui traverse la chambre. Ça ne durera peut-être pas, mais il y aura eu ce matin-là. Un instant où tout se rejoint. C'était « Dans les allées du Jardin des Plantes » de Sophie Lemp, avec Amandine Dewam, Aurélie Nusillard, Pauline Ziadé. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Dalia. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Pascal Deux.